Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Ne rien laisser paraître, une histoire de l'insensibilité. Nous allons rester de marbre ou bien de glace, il ne faut rien montrer de ses émotions, ne pas scier, demeurer sans expression, un visage impassible, comme celui d'Arnold Schwarzenegger dans le film Terminator de James Cameron. Un Rambo froid, inflexible, quand il poursuit Sarah Connor afin de l'exécuter, puis un jour à Cannes, Terminator croise Odile de Rey. J'y vais. Sarah Connor. C'est à côté. J'ai toute la presse. J'ai même deux politiques. Non, mais j'attends beaucoup, beaucoup de cette conférence de presse. Sarah Connor. Oui. Bon, Simon, hein ? Va falloir me le vendre, ce film, hein ? Terminator, revisité par la Cité de la Peur, le film de Les Nuls. Bonjour Clémentine Vidal-Naquet. Bonjour. C'est une drôle d'idée de s'intéresser à l'insensibilité, parce que déjà, la sensibilité en tant qu'objet historique est un objet fascinant, mais très difficile à manier. Pourquoi l'insensibilité ? J'ai presque envie de dire qu'ici, il y a comme un jeu intellectuel, un pari scientifique, hein, de réfléchir à un objet d'étude aussi difficile à cerner. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est la revue Sensibilité, justement, qui pour passer pour son 11e numéro, qui est pour nous un jalon, le début d'une nouvelle dizaine, a décidé de s'emparer des insensibilités, c'est-à-dire, a priori, le revers, l'inverse des sensibilités. C'est-à-dire que c'était un peu un mode de clin d'œil pour nous, pour fêter le passage de ce 10e numéro. Et c'était un pari difficile, parce que, comme vous le dites, les sensibilités recouvrent un domaine extrêmement large, c'est-à-dire à la fois les émotions, les sensibilités, les façons d'être au monde, de percevoir l'espace et le temps. Et bien, de la même façon, le champ des insensibilités est extrêmement large lui aussi, et la définition même est très compliqué, c'est-à-dire qu'il peut s'agir de manque d'empathie, d'indifférence, d'absence d'affect, d'insensibilité sensorielle, c'est-à-dire un champ presque infini. Et puis l'histoire même des sensibilités n'est pas une histoire qui s'écrit seule, faut le rappeler sans cesse, l'histoire des sensibilités croise l'ensemble en fait des champs de la recherche. Toujours tout est objet de sensibilité en réalité, même ce qui pourrait paraître le plus factuel, voire quantitatif. Oui, tout à fait, c'est un pari de la revue plus générale, c'est-à-dire une conviction commune que nous avons, alors les créateurs de la revue, Christophe Granger, Quentin Deluermoz, Hervé Mazurel et moi-même, rejoints par Anouche Kunt et Thomas Donman, cette conviction que l'ensemble du monde social est traversé par les sensibilités et qu'il ne s'agit pas d'un domaine en soi, mais d'un mode d'approche des sociétés qui traversent donc le politique, le social. Et c'est pour ça que nous proposons en fait une histoire sensible du social et une histoire sociale du sensible. C'est très joliment dit, avec toujours cette question pour l'historien, pour l'historienne, des sources. Alors pour les sensibilités, on sait bien que faut chercher, trouver des traces, et il y en a. Mais alors, l'insensibilité, c'est terrible, hein, ça nécessite une lecture presque en négatif, en fait, des sources parfois. Alors on pourrait le croire, c'est-à-dire qu'en fait l'histoire des sensibilités s'intéresse, pour travailler sur les sensibilités en général, on doit, on le sait bien, faire avec aussi ce qui est tu. Alors, lorsqu'on travaille sur l'insensibilité, en fait, la démarche est à peu près la même. C'est-à-dire qu'il faut cette prudence face aux sources, face au risque de surinterprétation, qui d'ailleurs a contribué, je pense, à une forme de méfiance au sein du monde universitaire et académique face à ce qui était de l'ordre des sentiments, des sensibilités en général. Et donc, cette prudence, elle est en fait de mise pour n'importe quel type d'histoire ou de sciences sociales, et elle est peut-être renforcée encore lorsqu'on travaille sur les sensibilités, voire sur les insensibilités. Clémentine Vidal-Naquet, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Picardie-Jules Verne et votre champ de recherche, c'est un champ de bataille aussi, ce sont les couples dans la guerre. Je reprends le titre de votre ouvrage publié aux Belles Lettres, c'est Correspondance conjugale, votre titre d'un de vos ouvrages. Dans cette démarche-là, effectivement, dans les correspondances, on imagine que c'est toujours la sensibilité qui est mise en avant. Oui, tout à fait. En fait, alors ça, vous m'amenez sur mes travaux. Effectivement, moi, j'ai travaillé sur l'échange épistolaire et sur les interactions épistolaires. Et ce qui m'a semblé très remarquable, c'est que pendant ce moment paroxystique de la guerre, dans ces échanges de couples, moi, je m'attendais à trouver une explosion des sentiments, une explosion des affects, de livraison de soi. Alors, il en est question. Mais en fait, ce qui est beaucoup plus marquant, ce sont tous les événements de très faible intensité. Donc, qu'on pourrait considérer comme étant insensibles, qui sont présents dans ces correspondances, mais les lire comme une forme d'insensibilité, c'est souvent aller trop loin. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on a recours à l'ordinaire, au banal, c'est effectivement peut-être un signe de non-compréhension, par exemple, de l'arrière, de ce qui se joue sur le front, mais c'est aussi un secours nécessaire pour rester dans une forme de normalité. Et puis, il faut pas non plus, il faut faire très attention à l'anachronisme. Par exemple, ça, c'est aussi un grand problème, d'ailleurs, dans l'histoire des sensibilités. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on projette nous-mêmes, qu'est-ce qu'on attend nous-mêmes dans ce qu'on va lire. Et j'ai été très surprise de voir autant d'échanges sur des éléments d'une immense banalité qui pouvaient être juste centrés sur la santé. Mais lire des questions sur la santé, c'est pas du tout l'équivalent de notre « ça va » et le fait qu'on n'attend pas véritablement de réponse. Dans le milieu agricole, par exemple, du début du siècle, poser des questions sur la santé de l'épouse qui est en charge des cultures, c'est absolument capital, et cela a une haute valeur. Donc il faut faire attention à ne pas rechercher de l'insensibilité là où elle n'est pas, et plutôt voir les dispositifs qui sont en cours, et qu'est-ce que ça révèle, au fond, des formes d'expression du sensible. Et puis dans ce numéro de la revue Sensibilité consacré à l'insensibilité, on sent combien l'insensibilité, en réalité, dissimule énormément de sensibilité. Bonjour Anne-Carole. Bonjour. Vous êtes spécialiste des bourreaux. Alors attention, là nous avons face à nous des gens, mais par définition, obligatoirement insensibles. Mais dans le fait d'être insensible, c'est plein d'émotions et d'autres sensibilités. Alors les bourreaux doivent-ils être insensibles? C'est une question qu'on peut se poser pour pouvoir effectuer correctement leur métier. Est-ce qu'ils peuvent l'être? C'est une autre question. C'est-à-dire que couper un homme en deux, selon le mot de Clémenceau, c'est pas rien. Donc, voilà, je travaille sur l'exécution capitale, heureusement pas seulement sur les bourreaux, et c'est un moment d'intensité émotionnelle très très très très important, mais où aussi il faut se blinder pour les protagonistes, pour pouvoir l'effectuer correctement. Et parmi les protagonistes, il y a le bourreau, il y a l'exécuté comme une évidence, et puis il y a aussi le public. C'est le 19e siècle qui va appliquer avec le plus de rigueur l'article 302 du Code pénal, punissant de mort tout coupable d'assassinat, de parricide ou d'empoisonnement. Record absolu, dans la seule année 1826, la guillotine fonctionnera 111 fois. Les exécutions sont publiques, les partisans de la peine capitale insistent sur les faits dissuasifs. Mais depuis longtemps déjà, les abolitionnistes contestent cette notion d'exemplarité. Mais à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, le supplice devant la prison Saint-Pierre de Versailles de Weidmann, assassin de 6 personnes, donne lieu à des scènes d'hystérie insoutenables. À partir de là, les exécutions ne seront plus publiques. En 1979, les exécutions publiques évoquées dans les actualités. Alors, c'est très intéressant ici, au pied de l'échafaud. Ben, ça, c'est le titre de votre ouvrage, Anne-Carole, publié chez Belin. Au pied de l'échafaud, il y a le public aussi. Il faut rappeler combien ce moment de l'exécution est un moment d'émotion qui contraste avec l'insensibilité du bourreau. Le bourreau, lui, a le devoir. Et dans les archives que vous avez fouillées, on sent bien que c'est une posture presque au moment d'envoyer sa lettre de motivation. Oui, les bourreaux doivent faire la preuve qu'ils sont capables de sang-froid. On attend d'eux à la fois qu'ils soient précis, rigoureux dans leurs gestes, mais en même temps qu'ils ne s'engagent pas émotionnellement. Ils sont pas là pour être en colère, pour être violent vis-à-vis des condamnés. Donc on attend d'eux une forme d'insensibilité pour pouvoir effectuer correctement la décapitation. L'émotion, elle va se situer plutôt ailleurs. En fait, le jeu des émotions va se situer plutôt ailleurs. Il y a une circulation, effectivement, entre les émotions exprimées par le condamné et celles de la foule, qui sont attendues aussi par ceux qui organisent l'exécution. Une exécution réussie, c'est une exécution qui va marquer les esprits et où donc le public qui est présent va ressentir de la peur devant le châtiment qui est appliqué, va entrer dans une forme de reconnaissance du repentir éventuel du condamné. Enfin voilà, il y a une circulation des émotions, mais qui doit être extrêmement contrôlée, extrêmement réglée pour qu'une exécution soit réussie. Oui, parce qu'il y a une volonté de contrôler l'émotion dans nos sociétés, bien sûr, et cette volonté d'insensibilité parmi les sources. Alors, dès qu'il est question d'affaires judiciaires, nous imaginons toutes ces sources liées au procès, mais il n'y a pas que cela, et ce monde de l'exécution a livré d'autres sources, alors très intéressantes, au plus proche du bourreau. Alors, il y a des sources, en fait, on va trouver, comme disait Clémentine tout à l'heure, on va trouver parfois les sensibilités ou l'insensibilité dans des sources auxquelles on ne s'attend pas. Pour ce qui est des émotions du condamné, moi j'ai trouvé comme source pour ces émotions les rapports des procureurs qui sont en charge de l'exécution, qui sont des sources mais purement administratives. C'est-à-dire que les procureurs rendent compte au ministre de la Justice de la façon dont l'exécution s'est passée. Et donc, voilà, là c'est un endroit où j'ai trouvé des émotions. Et par ailleurs, j'en ai cherché pour le bourreau dans une source qui est très intéressante effectivement, ce sont les carnets d'exécution qu'a tenu le dernier bourreau qui a exercé publiquement, donc Anatole Deblair, qui a exercé de 1885 à 1939, qui a tenu des carnets d'exécution. Et donc, je m'attendais là à trouver, exprimer des émotions, ou en tout cas, ou alors au contraire, des formes d'insensibilité. Et là encore, la source apporte des choses qui sont pas forcément celles qu'on attend. Et c'est plutôt dans la raison d'être de ces carnets, dans le fait de les tenir, que j'ai pu lire peut-être un dispositif pour travailler son insensibilité. Anatole Deblair, il faut rappeler, c'est une vedette. Les gens le connaissent, c'est pas quelqu'un qui est complètement en marche. On lit la presse, on va retrouver son portrait. Et il fait des carnets, il tient des carnets. Ça ressemble à quoi? Comment il procède? Alors, il a des petits carnets tout à fait bien tenus, en toile cartonnée, où il note chaque exécution, donc avec un numéro qui correspond au numéro du condamné dans sa carrière d'exécuteur, qu'il va redoubler à partir d'un certain moment du numéro de cet exécuté dans sa carrière d'exécuteur en chef, la date, le lieu, à partir d'une certaine date aussi la météo de l'exécution, l'état civil du condamné, son numéro d'écrou. Le motif de sa condamnation suit ensuite un développement qui peut être parfois assez long sur le crime. Et c'est là que je pensais trouver quelque chose relevant des émotions, et j'y reviendrai peut-être. Et puis, enfin, quelques mots éventuellement sur la façon dont l'exécution s'est déroulée. Et puis ensuite, il tire deux traits et il passe au condamné suivant. Et à la fin de chaque année, il fait un bilan comptable. Voilà combien de gens j'ai exécuté cette année. Ah bah ça, c'est de l'insensibilité. La démarche même, elle ressemble à une forme d'insensibilité. Oui, ça ressemble à l'insensibilité. En même temps, dans la façon dont il décrit le crime, j'avais été surprise, ou en tout cas heureuse de trouver des notions, des concepts, des mots qui renvoyaient au contraire à des sentiments, puisque bon, le crime est décrit avec des termes qui prennent parti. Hein, le bourreau parle de voyous, d'abominables crimes, d'infâmes, etc. Sauf que je me suis aperçue au bout d'un certain temps qu'il recopiait les journaux, hein, ce qui va dans le sens de ce que vous dites. C'est pas vraiment de la sensibilité qui s'exprime. Mais en revanche, moi je fais l'hypothèse que tenir ces carnets aide justement à tenir à distance cet acte de mise à mort que Deblair a répété quand même près de 400 fois dans sa carrière. En le routinisant, en le bureaucratisant, cela aide en quelque sorte à le vider de toute émotion et à se construire une insensibilité. Et puis en notant les raisons du crime, ces crimes odieux, on dirait qu'il se convainc. Enfin, il mérite d'être insensible parce que le crime était odieux. Il y a ça aussi un peu dans cette démarche, on dirait. Oui, les gens qui ont travaillé sur la mise à mort, notamment la mise à mort des animaux, disent qu'il y a deux stratégies qui sont employées par ceux qui abattent les animaux. C'est d'une part une stratégie d'objectivation. Donc, c'est ce que fait Deblair en tenant ses carnets très bureaucratiques. Ces patients deviennent des numéros, en quelque sorte. Et il y a une stratégie de subjectivation qui consiste à justifier son acte en présentant celui qu'on va tuer comme finalement le méritant, comme étant quelqu'un de mauvais, d'intrinsèquement mauvais. Et en recopiant ces articles de journaux, Deblair finalement s'abrite derrière l'opinion publique et derrière le jugement très négatif qu'elle porte sur le condamné. Puis il y a des métiers qui nécessitent d'être insensibles. Dites-nous, Clémentine Vidal-Naquet, on a évoqué ces correspondances durant la Grande Guerre que vous avez étudiées. Le militaire doit être insensible parce que il doit tuer quelqu'un. Enfin, il n'a pas besoin de montrer ses sentiments à ce moment-là. Il ne faut pas même. Est-ce que dans ces correspondances, il y a une volonté de cacher ses émotions aussi parce que on écrit à l'arrière, on écrit à son épouse, à sa mère, et on ne veut pas les inquiéter. Bien sûr, c'est-à-dire que en fait, il faut bien se dire que dans toute correspondance, d'ailleurs que ce soit en temps de guerre ou pas, c'est un contrat communicatif qui est en jeu avec celui ou celle à qui on s'adresse. Et donc évidemment, dans ce contexte où la mort peut survenir à tout instant, je crois que la contrainte est ici redoublée. C'est-à-dire que au lieu d'être un moment où on peut livrer de façon absolument désordonnée, on va dire, ses émotions, ses affects, ses peurs, par exemple, la peur, par exemple, qui est l'émotion qui est tue dans les correspondances. Jamais il n'en est question. C'est toujours la peur des autres, jamais la sienne. Évidemment, on sait par d'autres types de sources, par exemple, par l'œuvre de Gabriel Chevallier, La peur, écrite après-guerre, qu'évidemment la peur est constitutive du soldat de première ligne, notamment juste avant de monter à l'échafaud, justement. Et donc évidemment, ne pas transmettre cette peur, c'est remplir le contrat. Et il faut imaginer aussi que ces lettres envoyées, c'est parfois éventuellement la dernière lettre que on va envoyer ou qu'on va recevoir. Et donc, tout ça contraint l'expression des sentiments, ce qui n'est pas signe d'insensibilité. Exactement, c'est pour ça qu'il faut vraiment le souligner sans cesse. C'est parler d'insensibilité, c'est peut-être ne pas voir une émotion, par exemple écrite dans une lettre, mais malgré tout, ça ne veut pas dire qu'il y a insensibilité. C'est en ça que cette notion d'insensibilité est merveilleuse et complexe. Tout à fait. C'est mettre de côté aussi les émotions. Tout à fait, moi je pense que pour l'histoire des sensibilités, tout comme pour l'histoire des insensibilités, il faut peut-être parfois se dire, quand on regarde des objets aussi précis, par exemple, que l'intime, la correspondance, etc., qu'on n'a pas accès à ce que les gens ressentent. On a accès à ce qu'ils expriment. Et ce qui est tout à fait différent. Alors, en revanche, si on pense que l'écriture est performative, on peut se dire aussi que peut-être que les épistoliers n'écrivent pas toujours ce qu'ils ressentent, mais que peu à peu, ils ressentent ce qu'ils écrivent. Donc, à la fois... peut-être l'expression de l'amour, mais aussi peut-être la conviction qu'on est, par exemple, à sa juste place, en première ligne. Peut-être. Voilà. Et puis, pour les militaires, il y a toujours cette idée d'une formation. Alors, c'est pas tellement le cas pour la Première Guerre mondiale, où les pauvres gars sont envoyés au front, mais dans cette longue histoire militaire, un bon militaire est formé pour aller au combat sans montrer ses émotions. Je suis le sergent d'armement Hartmann et votre chef instructeur. À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera. Et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera « Chef, tas de punaises ». Est-ce que c'est bien clair ? Chef, oui, chef ! Mon cul, je n'entends rien. Montrez-moi que vous en avez une paire. Chef, oui, chef ! Si vous ressortez de chez moi, les louloutes, si vous survivez à mon instruction, vous deviendrez une arme. Vous deviendrez un prêtre de la mort, implorant la guerre. Mais en attendant ce moment-là, vous êtes du vomi. Vous êtes le niveau zéro de la vie sur Terre. Vous n'êtes même pas humain, bande d'enfoirés. Vous n'êtes que du branlement végétatif, des paquets de merde, d'amphibiens, de la chasse. Parce que je suis une peau de vache, vous me haïrez. Mais plus vous me haïrez, et mieux vous apprendrez. Je suis vache, mais je suis réglo. Aucun sectarisme racial ici. Je n'ai rien contre les négros, Rital, Youpin ou Metek. Ici, vous n'êtes tous que des vrais connards. Et j'ai pour consigne de balancer toutes les couilles de loup qui n'ont pas la pointure pour servir ma chère unité. Tas de punaises, est-ce que c'est clair ? Chef, oui, chef ! Mon cul, je n'entends rien ! Chef, oui, chef ! Ah bah oui, c'est clair, chef, oui, chef, c'est un extrait de Full Metal Jacket, le film de Stanley Kubrick en 1987. Alors oui, bien sûr, ici, nous avons une profession particulière, nous l'évoquons, les militaires, mais il y en a plein d'autres, les pompiers. Oui, tout à fait. C'est un article d'ailleurs que nous proposons dans la revue par le sociologue Romain Pudal, qui a la particularité d'avoir lui-même été pompier et qui donc réfléchit à la formation du métier de pompier et qui montre bien, et c'est un des axes d'ailleurs du numéro insensibilité, qui montre bien que l'insensibilité peut être un apprentissage. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris d'ailleurs dans la revue l'insensibilité comme un état, mais comme un processus davantage. C'est ce que montrait d'ailleurs Anne Carroll avec ses carnets, où c'est un dispositif, un processus pour ne pas être insensible, mais en tout cas faire face à des situations qui normalement évoquent l'extrême sensibilité. Donc comment faire quand on est pompier pour contrôler sa peur, pour être dans une empathie mesurée qui n'empêche pas l'action ? C'est tout le questionnement de ce sociologue dans cet article du numéro de Romain Pudal. Anne-Carole, c'est pareil, hein, pour vos bourreaux, il y a tout un processus, parce qu'on voit à travers l'article et à travers vos travaux, hein, au pied de l'échafaud, il y a une formation. Alors, ils commencent très jeunes, il y a vraiment un cursus. Oui, le travail de bourreau se pratique dans l'endogamie, hein, familiale, c'est-à-dire qu'il y a des dynasties de bourreaux, et en fait, la plupart des bourreaux commencent à l'adolescence. Donc on peut penser aussi que c'est un outil de construction de l'insensibilité, que très tôt, hein, de s'habituer à la vue du sang. Voilà, il y en a d'autres. On sait aussi que l'alcoolisme sévissait chez les bourreaux, et c'est une forme de défense qui se retrouve chez d'autres métiers en contact avec la mort, comme les garçons d'amphithéâtre, les fossoyeurs, etc. Oui, parce que ça, c'est ce lien qu'on peut faire avec tous ces métiers, métiers complexes, confrontés normalement à faire surgir des émotions très fortes qu'il faut savoir contenir. Et puis vous montrez, Anne-Carole, aussi que certains souhaitent être bourreaux parce que c'est un métier. Et là, les archives ont conservé ces demandes. Et on sent, hein, dans les arguments avancés qu'il y a la volonté de se dire insensible. Moi, je peux le faire, j'ai pas peur, je ne bougerai pas. C'est très important parce que sinon, l'exécution peut être manquée. Oui, les archives nous révèlent plus que des lettres de motivation de gens extérieurs, des lettres de bourreaux, des gens en exercice qui ne veulent pas perdre leur fonction et qui se mettent en concurrence les uns avec les autres. Ah oui, ils se dénoncent. Voilà, alors ils se dénoncent, ils décrivent effectivement pourquoi eux, ils sont meilleurs bourreaux que d'autres. Et une des choses qui est mise en avant le plus souvent, c'est d'avoir du sang-froid. Ce que les bourreaux appellent d'ailleurs de façon un peu étonnante, avoir du cœur. Avoir du cœur, c'est être capable de tenir justement toute une exécution sans flancher. Et voilà, donc c'est cette insensibilité qui est mise en avant. Bon, ceci dit, c'est pas l'argument le plus important. On leur demande aussi d'être costaud, d'être fiable, d'avoir de l'expérience, etc. Mais en tout cas, sur le plan émotionnel, on leur demande d'être, d'avoir du sang-froid et d'être aussi capable de maîtriser leur violence éventuelle. Hein, il faut qu'ils appliquent le châtiment, mais pas plus. Voilà, parce que c'est cette idée-là, hein, qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, savoir où se niche l'insensibilité. Ça, c'est une chose, mais surtout comprendre la portée historique d'une telle notion. Et avec nous aujourd'hui, Olivier Christin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes historien, vous êtes moderniste, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Et vous êtes intéressé, petit clin d'œil à l'Antiquité, mais qui nous conduit au 19e siècle, c'est Brutus, mais Brutus lu par le peintre David au début du 19e siècle. Alors déjà, on peut rappeler, Brutus, c'est quoi cette histoire? Alors c'est le premier Brutus, c'est le fondateur mythologique de la République romaine, celui qui, pour venger le viol de Lucrèce, chasse les Tarquins de Rome, met fin à la monarchie et apparaît comme le héros fondateur de la République. Mais il est aussi célébré, et dans l'iconographie, il y a une iconographie qui rejoint vraiment les travaux de ce qu'a dit Anne-Carole, c'est-à-dire sur l'exécution capitale, comme moment qui permet de vérifier si les gens ont du cœur, du courage, de la bravoure. Il est aussi connu et célébré pour avoir souligné la supériorité de la loi qui s'applique à tous sur les sentiments personnels, sur la sensibilité, sur les relations familiales, puisqu'il apprend que ses fils intriguent avec les Tarquins pour faire revenir la royauté, et il les fait condamner à mort et exécuter. Et les tableaux représentent souvent cette exécution, sauf celui de David. Voilà, celui de David, c'est le seul tableau qui ne représente pas l'exécution. On l'a mis sur la page du site internet Le Cours de l'Histoire, hein, franceculture.fr. C'est le moment où les dépouilles de ses fils reviennent. Mais souvent, vous avez raison, et à la suite de Plutarque, c'est l'exécution qui est représentée. Aussitôt, les licteurs saisissent les deux jeunes hommes, leur arrachent leurs habits, leur lient les mains derrière le dos et les déchirent à coups de verge. Aucun des spectateurs ne put soutenir la vue de cette exécution cruelle. Brutus seul en eut le courage. On dit qu'il ne détourna pas un instant les yeux, et nul mouvement de pitié ne vint adoucir la colère et la sévérité empreintes sur son visage. Brutus contempla d'un œil farouche le supplice de ses enfants, jusqu'à ce qu'on les eût étendus par terre et que leurs têtes fussent tombées sous la hache. Alors, il laissa à son collègue le châtiment des autres coupables, se leva de son siège et se retira. L'action de Brutus, selon qu'on l'envisage, ne peut être ni assez louée ni assez blâmée. Elle fut l'effet ou d'une vertu supérieure qu'il éleva au-dessus des affections humaines, ou d'une passion outrée qu'il poussa jusqu'à l'insensibilité. deux dispositions extraordinaires et qui ne sont pas dans la nature de l'homme. La première est d'un dieu et l'autre d'une bête féroce. Un extrait des Vies des Hommes Illustres de Plutarque, lu par Alexandre Manzanares. Dans le cours de l'histoire, Alexandre qui réalise aussi cette émission avec aujourd'hui à la technique Alex Dang. Alors Brutus, oui, a combattu la royauté, il porte la République et ses fils le trahissent, on va dire, et donc il le condamne. Donc déjà, on a l'insensibilité du juge ici. Alors, voilà, cette histoire de Brutus, le texte là est magnifique et magnifiquement lu. L'histoire de Brutus va fasciner. À la fois dans le domaine littéraire, il y a toute une série de tragédies, une autrice du XVIIe siècle, une tragédie de Voltaire qui plagie l'autrice du XVIIe siècle et dit qu'une femme n'a pas pu écrire des vers d'une telle qualité, et donc c'est forcément son oncle Fontenelle, donc il y a une polémique autour de ça. Fascine les historiens, l'épisode est sans cesse rapporté, fascine les philosophes parce que ça devient, et au moment de la Révolution, des sections révolutionnaires vont prendre le nom de Brutus, parce que ça devient le lieu où penser l'impassibilité, l'intégrité, le dévouement total à la chose publique, à l'intérêt général, le renoncement à la corruption, le renoncement aux affects particuliers, aux relations familiales, et donc la volonté, au fond, d'être impassible, imperturbable, dans l'exécution de la loi, qui doit être la même pour tous. Et donc le cas de Brutus fascine, parce qu'il met en tension, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que dit le texte très très bien, qui vient d'être lu, met en tension l'homme privé et l'homme public. Celui qui occupe des charges et celui qui est dans le cercle familial, dans le réseau des relations familiales et dans les intérêts, dans les affects privés qu'on retrouve dans les correspondances qu'évoquait Clémentine tout à l'heure. Et donc, sur ce cas de Brutus, c'est pour ça qu'il intéresse les peintres, qu'il intéresse les tragédiens, qu'il intéresse les philosophes, qu'il intéresse les moralistes, sur ce cas de Brutus, on peut poser plein de questions et organiser plein de partages. L'homme public, l'homme privé, l'insensibilité des hommes, la sensibilité des femmes, l'espace public, l'espace domestique. Et le tableau de David met tout ça en jeu. On a l'impression, c'est pas l'exécution, c'est pas dans un espace public, c'est dans un espace privé. Les femmes sont mises en lumière, lui est prostré dans l'ombre, fait un geste délicat, il tient à la main, dans une main, un papier qui a l'air d'être la sentence, la loi écrite, et de l'autre côté, avec son autre main, il montre le siège de son cœur ou de ses pensées. Il y a toute une lecture féministe de ces tableaux sur le patriarcat divisé contre lui-même et qui s'écroule. Et au contraire, des femmes debout, avec un corps sculptural, elles sont très musclées, ce que relève l'historien de l'art avec qui j'ai écrit ce texte, François-René Martin. Et donc ça permet de poser plein de questions qui vont être au cœur de la réforme de la justice révolutionnaire. Comment avoir des juges impartiaux et comment en même temps avoir des juges humains? Est-ce que l'introduction du jury, c'est le moyen d'avoir à la fois une justice juste, équitable et humaine? Et autour du cas Brutus se noue toute une série de disputes, de réflexions sur la sensibilité. Et il me semble que ce cas montre très bien l'historicité de l'insensibilité. C'est pas une chose vague, c'est l'histoire d'une absence, mais elle a des contenus historiques précis. Anne-Carole. Oui, pour prolonger ce que dit Olivier, la Révolution invente d'ailleurs une machine pour tuer. Il y a cette idée qu'on va essayer de remplacer un homme qui est possiblement atteint d'affect et qui louperait, si je puis dire, son travail par une machine. Hein. Et on va même, certains, penser à avoir quelque chose de totalement automatisé sans même un bourreau qui déclenche la chute du couperet. Absolument. Les lecteurs rapportent à Brutus les corps de ses fils et ce tableau de David de 1789. Donc on est vraiment dans cette réflexion-là. Ça imbibe aussi, alors je ne dis pas la révolution, mais la réflexion des révolutionnaires hein, sur comment le magistrat doit se montrer insensible, le magistrat au sens très large. Absolument. Le tableau a une histoire incroyable. Il est commandé, il est conçu à partir du milieu des années 1780, ce que montre très bien François-René Martin. Il est commandé, c'est un cycle qui doit traiter des héros romains, donc c'est un sujet classique, les héros civiques, les Scaevola, Marcus Curtius, les héros du dévouement, du renoncement à soi-même pour la cité. David hésite beaucoup, il va changer plusieurs fois, est-ce qu'il faudrait faire un Cincinnatus, est-ce qu'il faudrait faire un Torquatus sous ses héros civiques, et puis finalement il se décide pour Brutus. Il étudie les tableaux à Rome ou les sculptures qu'il a de ce Brutus, qui lui donne des modèles, il communique beaucoup avec son atelier, les élèves de son atelier, et puis finalement le tableau est prêt juste avant le 14 juillet, mais il est exposé seulement en août 1789. Et à ce moment-là, David a vu la prise de la Bastille et a vu des têtes sur des pics. Et donc le tableau est accueilli dans un contexte qui n'est pas celui dans lequel il a été fabriqué. Et tout de suite, donc, le tableau devient un lieu de réflexion sur la Révolution, les valeurs de la Révolution, le civisme, l'insensibilité nécessaire du juge ou du magistrat. On ne peut pas réfléchir à l'insensibilité sans la sensibilité. On sent que ça va de pair. Dans le mouvement révolutionnaire, il faut montrer ses émotions. Mais c'est l'émotion nécessaire qui prouve un soutien. Et en même temps, être insensible, c'est le cas lors de toutes les exécutions publiques. Elle est difficile à saisir, hein, cette histoire-là. C'est une histoire qui demande un regard sur le temps long, à chercher sans cesse des preuves. Cette histoire, Anne Carole, qui vous a conduit au pied de l'échafaud, on la voit en fait extrêmement froide. Et vous avez parlé de la mise en place de la guillotine. En fait, on a des textes extrêmement froids, des textes de justice qui contrastent avec la sensibilité que provoque la vue d'un corps coupé en deux. Alors, on a un peu de tout, en fait. C'est-à-dire que, je parlais tout à l'heure des rapports des procureurs en charge de l'exécution. Vous avez des rapports qui sont extrêmement laconiques, qui se résument à deux lignes, disant l'exécution s'est bien passée, il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public. Et puis vous avez effectivement des rapports très longs où le procureur, sans qu'on sache vraiment pourquoi, il n'est pas du tout obligé, va pendant plusieurs pages décrire les derniers moments du condamné. Et en expliquant très précisément s'il a tremblé, etc., ce qui nous fournit beaucoup de renseignements sur justement les émotions ressenties par le condamné, mais qui, je pense, de façon indirecte, nous montre que le procureur lui-même a été affecté, c'est-à-dire qu'il ne peut pas passer sur cette mise à mort d'un homme en quelques lignes. Hein, il éprouve quelque part le besoin de tout raconter, de lui écrire une sorte de tombeau de papier. Voilà, c'est le cas avec Brutus. Hein, on le rappelle, c'est pas le Brutus de Jules César, c'est l'autre Brutus, hein, celui de la République romaine, Olivier Christin. Il me semble le texte de Anne Carole montre très très bien l'historicité de l'insensibilité ou de la sensibilité, que c'est pas des notions évanescentes, juste des mots dont on se paierait dans la revue. Parce que les exécutions qu'elle raconte et les textes qu'elle mobilise entrent en très très fort contraste avec les exécutions d'Ancien Régime, les exécutions du 16e, 17e, qui sont des cérémonies extrêmement longues dans lesquelles la foule participe. À la fois c'est un spectacle terrifiant, horrible, et en même temps c'est une prière. C'est un moment de compassion, c'est une prière. Il faut que le condamné crie merci, demande pardon, on prie avec lui, on pleure avec lui. Donc il y a une espèce d'osmose entre la foule des spectateurs qui agit par des émotions pas forcément toujours généreuses, mais il y a aussi une dimension sotériologique, de salut, de dévotion, qui disparaît dans les logiques plus administratives et de l'exemplarité que Anne Carole évoque, il me semble. En tout cas, que là, on a des modèles assez opposés, enfin, ou des schémas assez opposés. Bah, c'est sûr que le supplice de la roue comparé à la guillotine, c'est deux ambiances. Mais il reste malgré tout ce sentiment d'émotion qui nous saisit et puis toujours cette insensibilité. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous ne laissons rien paraître. Histoire de l'insensibilité. Ah bah toi t'es le plus beau, mais t'as jamais rien trop fait. C'est facile quand on vit pas grand chose et on ose effriter les trophées. Quand on est trop bien assis à juger les travaux finis, toi t'as tout dit, t'as rien pris, mais tu parles tout comme si, puis tu prônes t'es au-dessus, que tout ça c'est de la rime à deux balles et demi mots que t'as même jamais lutté. Qu'à continue de cracher, t'en auras presque plus de ta salive, j'en ferai des glisses à perte de vue. Après ça t'écriras quoi? Toujours tes problèmes à régler. T'étoufferas tes gros poids que t'essaies de faire porter, que t'essaies tout cacher de l'écran où t'envoies des PD, des TG sans même savoir orthographier. Je resterai insensible, je resterai insensible face à tes cris sans moi, que t'écris de trop bas. Je resterai insensible, je resterai insensible face au caractère gras que tu miaules quand ta voix. Il y a ceux qui proposent, il y a toi qui n'ose pas, qui reste dans son coin sans jamais faire de faux pas. Plus tu critiques, plus j'encaisse bien. J'aime savoir qu'il y en a qui ne mangent pas de mon pain. Plus j'ai déjà lu que je ne passerai même pas l'hiver, que j'étais qu'un pélire ou sans dents et dans la galère. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire de moi, car je serai encore bien là quand t'auras tout dit de toi. Car je pense qu'il va falloir t'y faire, car je pense avoir bien plus pour te plaire. Car j'aime te faire couler de l'encre à t'en faire chanter. L'air qui te trottera dans la tête jusqu'à dire que t'en es. Je resterai insensible. Je resterai insensible. Face à tes cris sans moi, que tes cris de trop bas. Je resterai insensible. Je resterai insensible. Face au caractère gras que tu miaules quand t'aboies. Ça fait des BABA. Des bien plus grands que toi, ça fait un tabac qui se consume trop sans moi. Ça fait des blabla, juste du brouhaha qui je crois parle de moi, mais je ne m'y vois pas. Eddy de Pretto qui chante Sensible, Insensible dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par une équipe sensible et nous en sommes fiers. Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Dudet, Jeanne Copé, Gilliane Tilly, Mayouen Guizhou, Clémentine Ducasse et merci aussi à Sabine Dahuron de l'Institut National de l'Audiovisuel. Aujourd'hui, nous sommes dans la sensibilité et l'insensibilité, mais particulièrement autour de cette revue Sensibilité sur une histoire complexe. Vous nous avez dit, Olivier Christin, que dans ce tableau de David de 1789, on a deux éléments. Hein, on a plutôt vers la droite les femmes qui sont en lumière et alors elles montrent leurs émotions et puis à gauche du tableau Brutus qui alors lui est impassible à côté de la dépouille de ses fils. Cette histoire genrée, elle est alors là visuelle. Alors absolument, et au 18e ça compte énormément. C'est l'un des principes d'exclusion des femmes de la politique et des charges publiques. Elles seraient trop sensibles. Elles ne sont pas assez insensibles. Elles sont incapables de s'arracher à leurs affects, à l'amour de leurs enfants, à leur place dans la famille. Alors que Brutus et les hommes seraient capables de faire... Brutus exceptionnel, mais serait capable de faire condamner à mort leur propre fils. Et donc c'est l'un des discours misogynes, au fond, c'est la sensibilité excessive des femmes, leur fragilité, leur caractère émotionnel. Mais par ailleurs, c'est ça qu'on voit, à mon avis, et là je crois que François-René Martin est d'accord, il y a toute une littérature moins connue, mais qui commence à jouer un rôle important à la veille de la Révolution, qui fait l'éloge du courage des femmes, l'éloge de la force des femmes, et même de la force physique et de la force militaire, et qui prend comme exemple, pas Rome, pas l'histoire de Rome et de la République romaine, mais l'histoire de Lacédémone, l'histoire de Sparte, et des femmes de Sparte qu'on entraîne au javelot, qu'on entraîne à la guerre, et qui sont capables de prendre leur place dans la cité. Et beaucoup de protagonistes féminines de la Révolution qui demanderont par exemple à ce que les femmes puissent devenir elles aussi gardes nationales, qu'elles puissent elles aussi avoir des couronnes civiques, qu'elles puissent elles aussi faire la guerre, s'inspireront de ce modèle spartiate qu'elles citent à la veille de la Révolution, qu'elles connaissent à la veille de la Révolution. Clémentine Vidal-Naquet, dans cette histoire de la sensibilité et de l'insensibilité, je mets ça au singulier, mais on pourrait mettre des sensibilités et des insensibilités. Il y a une lecture genrée à faire dans les correspondances de la Première Guerre mondiale. Alors, l'homme est au front, la femme est à l'arrière. On voit vraiment cette lecture où, ce que disait Olivier Christin, l'homme doit rester maître de soi et la femme risque de montrer ses émotions. Ça, c'est quelque chose qui traverse ces histoires. Alors déjà, oui, c'est. Je vais commencer par le S, évidemment, à placer à la fois au titre de la revue, Sensibilité avec S, et Insensibilité, le titre du numéro, avec S également. Alors dans les correspondances, finalement, je pense qu'en histoire, il faut toujours se garder de plaquer des images ou des idées que l'on se ferait, justement, liées peut-être à cette histoire du temps long dans lequel les femmes devraient être sensibles et les hommes insensibles. Et quand j'ai lu ces correspondances, je n'ai pas trouvé, à dire vrai, des partitions aussi claires des rapports genrés au sein du couple. Et c'était à la fois, en fait, pour moi, une surprise. Mais là encore, c'est en fait, qu'est-ce qu'on attend de l'autre ? C'est-à-dire que les femmes, par exemple, je vous donne juste un exemple, un homme écrit en août 14 à sa femme, et c'est deux lettres qui s'écrivent en même temps, donc ils ne savent pas ce que l'un et l'autre se disent. Et lui dit, ne t'inquiète pas, ma chérie, au premier tir, je me planquerai dans un trou. Le même jour, sa femme lui écrit, mon chéri, j'espère que tu seras courageux et que tu ne feras pas partie des lâches. Et donc, en fait, c'est, si vous voulez, les attentes sont parfois différenciées, surprenantes. Et donc, évidemment, après, il y a quoi ? Il y a un réagencement au sein des correspondances, des attentes des uns et des autres. Et les hommes, dans les lettres, disent leurs larmes. Ils disent leurs émotions dans les lettres de la Grande Guerre. Ils les disent beaucoup d'ailleurs, beaucoup plus que les femmes qui doivent garder les affaires, qui doivent s'occuper bien sûr des affaires de la maison et rester en place. Et l'expression masculine des larmes est très présente dans les correspondances, contrairement à ce qu'on pourrait attendre a priori avant de les avoir lues. Puisque dans ce que vous dites, Clémentine Vidal-Naquet, j'entends bien qu'il y a au moins deux protagonistes, hein, celui qui écrit, celui qui reçoit la lettre, et puis l'historienne aussi. Il faut se méfier de la représentation. Oui, alors là, je pense que c'est une des grandes questions. Je reviens aussi sur cette méfiance qui entoure encore aujourd'hui l'histoire ou les sciences sociales des sensibilités, puisque la question, c'est de savoir ce que nous engageons personnellement pour saisir la texture des sources. Mais je pense que, en fait, une des attitudes, d'abord, je pense que cette question doit se poser à tout type d'histoire, qu'il s'agisse de regarder les sensibilités ou le reste, et que d'avoir conscience de cette position, d'avoir conscience et d'interroger aussi ce que les sources nous font, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'elles agissent en nous, eh bien c'est une façon de peut-être trouver une distance juste, bien sûr, alors difficile à définir la justesse de la distance, mais importante en tout cas à réfléchir. Et je pense que l'histoire des sensibilités et des insensibilités, en fait, pousse l'exploration de nos propres méthodes de travail, d'expertise et d'historien, d'historienne. Ah ben, historien, historienne ne peut pas rester indifférent aux sources, notamment quand on travaille sur ces dossiers, Anne-Carole, sur les bourreaux. Non, mais c'est vrai que c'est très dur. On comprend, pour Anatole Deblaire, ce bourreau, cette mise à distance dans ces carnets qui sont très froids. Est-ce qu'il y a une attente, d'ailleurs, de la part du bourreau, du comportement d'un condamné? Est-ce que c'est bien vu s'il reste insensible, impassible? Le condamné idéal doit pas rester totalement impassible. C'est même un contre-modèle à la fin du siècle. Le condamné doit exprimer des émotions. Elles sont attendues de lui. Il faut qu'il ait peur, d'une certaine façon. C'est normal, le châtiment est là pour faire peur et dissuader. Il faut qu'il ait des remords, par exemple. Mais tout le problème, c'est qu'il contienne ses émotions dans des limites raisonnables. Donc le bourreau attend, effectivement, que le condamné ne sombre pas dans la panique, par exemple, parce qu'il va devenir très difficile à contrôler, qu'il ne sombre pas dans une terreur extrême qui le rendrait, à la limite, dans un état d'inconscience, enfin, qu'il s'évanouisse, etc., parce que ça enlève toute solennité à l'exécution que d'exécuter quelqu'un qui est totalement passif. Donc voilà, c'est un équilibre qui est difficile à trouver pour que l'exécution soit réussie. Et voilà ce qu'attend le bourreau. Mais juste pour revenir sur la question du genre... J'allais vous poser la question. Oui, donc Olivier décrivait effectivement cette façon de présenter les femmes comme très sensibles, hein, et qui va petit à petit les disqualifier du champ du politique. Je prends mon autre casquette d'historienne, c'est-à-dire historienne de la médecine. Et de fait, les médecins ont contribué énormément au XVIIIe et au XIXe siècle à bâtir cette idée de deux modes de fonctionnement différents selon les sexes, les femmes étant gouvernées par leur sensibilité, hein, dans le système nerveux, ce sont les nerfs chez elles qui prédominent, alors que les hommes, eux, c'est le cerveau qui finit par rationaliser en quelque sorte les perceptions, les sensations. Et cela va aboutir à ce que les femmes soient toujours suspectées d'être trop sensibles et que cette sensibilité dérive soit vers la sensiblerie, donc une sensibilité mal placée, si je puis dire, soit vers la sensualité, et ça c'est encore un autre problème. Et ça va, entre autres choses, leur bloquer l'accès à un certain nombre de professions, comme les professions médicales, et particulièrement chirurgicales. Hein, parce que, trop sensibles, elles perdraient en quelque sorte leur lucidité. Et parce que le médecin doit rester sérieux, sensible, insensible. Anne-Carole, vous avez publié « Les médecins et la mort, hein, 19e, 20e siècle » chez Aubier. Oui, le médecin insensible. On n'a toujours rien sur les causes de la mort ? Bah non, c'est bizarre. Un corps qui en montre autant et qui en dit si peu. Alors ? Vous avez terminé ? Bah non, pas du tout. On commence en fait là. Bah, vous prenez trop de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Bah oui, mais c'est aussi des gens. C'est des deuils, de la douleur. Puis ça prend du temps de rendre son histoire à quelqu'un. Parfois. On n'est pas là pour leur rendre une histoire, juste établir l'heure et les causes du décès. Justement, on a l'heure, mais pas la cause. Ah oui, ça on sèche. Hein. On n'a rien sur les causes du décès, là. Notre arrêt cardiaque, alors? Oui, enfin, pardon, hein. Y a quand même quelqu'un qui a découpé un bout de son bras, quoi. Ah bah ça doit pas être vraiment un arrêt cardiaque alors, c'est un médecin légiste, Anne-Carole. Dans cette histoire, vous avez étudié les médecins, vous avez étudié les bourreaux, l'insensibilité. C'est aussi une attente sociale. On voit bien que c'est extérieur, presque dans la formation même, on l'a dit pour les bourreaux, c'est la même chose pour les médecins. L'insensibilité, c'est une construction sociale et professionnelle. Oui, c'est effectivement quelque chose qui doit être cultivé, là encore dans certaines limites. Hein. Et par exemple, pour les médecins, on sait très bien que les études de médecine qui sont mises en place dès le début du 19e siècle intègrent des travaux pratiques d'anatomie, hein, où on va donc devoir ouvrir des corps, etc., et s'habituer à la mort. Et des anthropologues comme Emmanuel Godot ont montré que même aujourd'hui, où ces travaux pratiques d'anatomie n'ont plus vraiment de raison d'être, hein, face aux techniques de virtuopsie, etc., on continue à le faire parce que c'est un rite de passage, hein, qui vous endurcit, qui vous fait passer de l'autre côté. Donc il faut travailler cette insensibilité. Mais du côté des médecins, il faut pas non plus la pousser trop loin parce que vous allez vous exposer à l'accusation de pratiquer une médecine inhumaine, hein, qui est une des figures des accusations qu'on porte sur la médecine moderne depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Ce que dit Anne-Carole est vraiment important parce que c'est à la fois une exigence professionnelle dans certains métiers et certains milieux, et c'est aussi un travail sur soi de ceux qui sont impliqués, et qui est un travail qui n'est pas évident et que tous ne réussissent pas. C'est un des clichés du film policier ou du roman policier, le jeune ou la jeune débutante qui arrive en salle d'autopsie et qui se sent pas bien du tout devant le travail de la médecine. C'est un des classiques des épisodes. Qu'est un classique la figure du médecin légiste qui justement est empathique, oui, et redonne toute sa dignité aux morts. Hein, tous les romans de Patricia Cornwell, oui, qui ont lancé cette mode sont basés là-dessus. Et puis, dans cette longue histoire, on entend la formation professionnelle, hein, les bourreaux, les médecins, mais il y a une représentation mais qui nous conduit, alors là, au plus loin possible, Olivier Christin, Adam et Ève, le paradis, la viande et les légumes. Non mais c'est ce que vous publiez. Non mais voilà, c'est Adam est impassible face au serpent, mais Ève est obligée de céder. C'est quand même une lecture très genrée de cette longue histoire, mais qui se rapporte toujours, et on pourrait parler de l'histoire de la médecine, l'histoire du corps, toujours ça aussi. Alors c'est vrai qu'on pourrait faire des parallèles. Avec Adam et Ève, ça va être compliqué. Je vais avoir un peu de mal à faire la pirouette. Mais c'est vrai que Anne-Carole a totalement raison de souligner l'importance du discours médical sur la fabrique de l'opposition genrée, des capacités ou non à exercer telle ou telle profession. Et certaines des activistes révolutionnaires qu'on cite dans l'article que j'ai étudié passe justement par le discours médical, la description des nerfs, du cerveau, des parties inertes chez les femmes, pour justifier la possibilité pour elles d'avoir une activité politique, de monter des sections révolutionnaires. Et je voudrais ajouter, dans le tableau de David, il y a un détail qui donne lieu à des débats infinis entre historiens d'art. J'ai pas d'idée dessus, hein, je n'en pense rien personnellement. C'est la pelote de laine traversée par l'aiguille. Une activité domestique, une activité spécifique des femmes, une activité d'éducation des filles, ou une allusion aux têtes fichées au bout des pics. Voilà. Eh ben c'est bien parce que ça nous fait plein d'hypothèses. On peut chercher, je vous dis, hein, le tableau, on peut le voir sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr. Dans cette histoire des insensibilités, Clémentine Vidal-Naquet, autour de la revue Sensibilité, on sent vraiment qu'il y a, et on a commencé à discuter là-dessus, et moi je vous entends, beaucoup, et c'est ça qui est passionnant, d'exploration. C'est-à-dire que c'est une démarche historique où il faut tenter des choses. Ce qui aboutissent, et on vous entend, hein, c'est passionnant, parfois c'est plus compliqué, alors on abandonne. Nous, on le voit pas parce qu'on a le résultat final, donc on n'a que ce qui a abouti. Mais c'est ça aussi, hein, c'est j'allais dire un peu au doigt mouillé, un peu à l'intuition. Alors oui, oui et non. C'est-à-dire que déjà, notre choix d'avoir fondé une revue n'est pas anodin. C'est-à-dire que évidemment, c'est l'idée d'une exploration au long cours. Contrairement à un livre qui pourrait, même s'il est programmatique, exploratoire, être quand même une forme de bilan. On a refusé cette idée en faisant le pari que le champ des sensibilités était tellement vaste que nous pourrions y passer notre vie à explorer chaque fois par des thématiques nouvelles. Les choix des thématiques que nous faisons sont de plusieurs ordres. Il faut, bien sûr, il y a notre enthousiasme, nos envies. On parle beaucoup avec le comité scientifique, dont fait partie d'ailleurs Olivier Christin, des choix, des numéros qui sont aussi... Il y a un enjeu pour nous aussi un peu politique, si vous voulez. On a commencé, le premier numéro de la revue était sur le charisme. C'était 2016. Nous avons ensuite réfléchi à la question de l'argent. Nous avons essayé d'aller sur des thématiques aussi larges que possible pour montrer que les sensibilités traversaient l'ensemble du monde social et qu'on ne pouvait pas faire d'histoire ou de sciences sociales sans les sensibilités. Alors, intuition, envie, plaisir aussi de la recherche et exploration, j'espère, infinie. Des sensibilités. Je voudrais dire que la question des sensibilités est redevenue complètement un objet des sciences sociales. Je pense au livre de Jeanne Favret sur les sensibilités blessées. Beaucoup de conflits contemporains, par exemple sur les questions religieuses, sur les questions identitaires, sur les questions de genre, sur les questions de préférence sexuelle, sont des questions sur les sensibilités et l'impression que ma sensibilité n'est pas prise en compte. Ces réflexions sur l'université comme safe space, où les gens doivent se sentir bien avec ce qu'ils sont, y compris dans les aspects les plus intimes, et que la revue répond très très bien à ça. Puis je voudrais ajouter un autre point sur la revue, c'est la qualité du graphisme. Oui. Qui, pour des gens qui travaillent sur des sujets difficiles, compliqués, le graphisme, on fait la graphiste a fait un travail magnifique. Ça n'est pas une revue d'histoire de l'art, et pourtant c'est une revue avec aussi un côté artistique dans lequel on se sent très bien. Oui, il faut effectivement insister sur ce point, dire d'abord que pour les 10 premiers numéros, c'était la graphiste Mélie Giusalin qui a donné tout l'esprit et toute la marque graphique à la revue, et que pour dans ce changement de cycle qui s'annonce avec son 11e numéro, c'est Julienne Richard, la graphiste, qui a travaillé avec nous sur ce numéro. Et pour nous, c'est une forme de prise de parole supplémentaire, le graphisme. De la même façon qu'il y a une rubrique recherche qui est une rubrique dans laquelle il y a des articles plus académiques, et puis une rubrique qu'on a appelée expérience, qui donne la voix, qui donne la parole à d'autres acteurs du champ social, à des artistes, des photographes, des cinéastes, des artistes contemporains, etc., etc. Et le graphisme, pour chaque numéro, on choisit une couleur. Alors là, il y a des débats à chaque fois immenses sur le choix de la couleur. Pour insensibilité, nous avons choisi un bleu un peu froid. Et comme la revue est traitée en bichromie, cela permet à la graphiste de jouer sur les tons, elle fonce, elle éclaircit ce bleu, qui est la couleur ici, qui représente pour nous l'insensibilité. Elle fait un travail assez merveilleux, effectivement, de mise en lumière et en graphisme des revues. Avec des petits insectes qu'envahissent les pages, hein, dans l'article de Johan Moreau sur magie et mystère des milieux à l'ombre des lumières, c'est génial. Ouais. Vous aviez bien regardé dans l'article Anne Carole, il y a une tique qui se balade dans la partie recherche pour faire un petit clin d'œil avant cet article de Johan Moreau. Oui. Pour terminer, aujourd'hui, nous sommes dans une société, j'allais dire, qui est dure, mais comme toute forme de société, nous sommes des individus dans un contexte social beaucoup plus vaste, avec ces figures d'hommes politiques, héritiers de Brutus, qui doivent prendre des décisions, même s'ils savent qu'elles vont faire mal. L'insensibilité, c'est pas un sujet anodin. En fait, on sent bien que c'est une valeur maintenant qui est présentée comme cardinale. L'homme politique, où le patron, au moment de licencier ses employés, doit être insensible. C'est aussi l'intérêt du travail des historiens et des historiennes, de mettre un peu de distance par rapport à tout ça. Oui, et alors là, vous parlez des hommes politiques, des patrons, mais il y a aussi dans la revue deux articles sur notre sensibilité ou notre insensibilité aux plantes et aux milieux, aux minérales, qui en fait sont une invitation à réfléchir à nos propres insensibilités, qui là aussi sont évidemment historiquement et socialement construites. Et ces deux articles de Johan Sinovecki et de Johan Moreau que vous avez évoqués, avec ces petites tiques qui se promènent, sont en fait une invitation, une réflexion et une invitation à un réenchantement du monde. Donc c'est pour ça aussi que le numéro insensibilité est pour nous plein de sensibilité, plein de questionnements. C'est-à-dire qu'il nous semble important d'aller vers nos insensibilités, de les questionner, de regarder d'où elles viennent, d'où elles proviennent, de les comprendre, pour comprendre peut-être mieux le monde. Avec un effet de libération, je trouve, par rapport à des héritages. Vous avez mentionné Adam et Ève, la conséquence de la chute. Adam travaillera, Ève enfantera. Il y a un partage genré définitif de l'espace public. Le tableau de Giorgione, magnifique, la tempête, Adam est debout avec un bâton, habillé en soldat. Ève est assise au sol et tient son bébé dans une position plus fragile, son bébé dans les bras. Ou Brutus, créer l'idée que pour être dans la sphère publique, pour être dans certaines professions, pour être politique, pour prendre des décisions, pour être un grand patron, faut pas avoir d'état d'âme. Tous ces hommes politiques ou ces femmes politiques, je n'aurai pas la main qui tremble quand il faudra faire des plans sociaux, expulser les migrants, etc. Et du coup, on est très surpris quand des hommes ou des femmes politiques font preuve de leurs émotions. Par exemple, la première ministre de Nouvelle-Zélande qui parle de sa vie privée, de ses émotions. Voilà, l'importance de l'histoire des sensibilités et des insensibilités pour comprendre notre monde. Et oui, toujours, toujours l'histoire. Merci vivement à vous trois. Alors donc, la revue Sensibilité au pluriel, c'est Anna Moza, hein, l'éditeur. Au pied de l'échafaud, Anne Carole, eh bien ça, on retrouve chez Belin. Et puis, bah, et oui, alors votre Adam et Ève, hein, avec un peu de viande et un peu de légumes, chez Anna Carcis. Et puis, tous vos travaux, Clémentine Vidal-Naquet, sur les couples dans la guerre, ces correspondances conjugales pendant la Grande Guerre. Merci vivement à vous trois. Et maintenant, voici Gérard Noiriel, alors toujours avec plein de sensibilité, le pourquoi du comment. Comment est née la loi sur le divorce ? La première loi autorisant le divorce fut adoptée le 9 octobre 1792 comme une conséquence de la laïcisation du mariage, devenu un acte civil. Entérinée par le Code civil de 1804, cette loi fut abrogée en 1816 car Louis XVIII avait rétabli le catholicisme comme religion d'État. Il fallut attendre plus de 60 ans et le retour du régime républicain pour que des projets visant à rétablir le divorce soient présentés au Parlement. Le député radical Alfred Naquet joua un rôle clé dans l'adoption d'une mesure qui nous paraît évidente aujourd'hui, mais qui fut âprement contestée. La première proposition de loi, déposée le 6 juin 1876 à la Chambre par Naquet, fut accueillie par des éclats de rire et immédiatement rejetée par ses collègues. 2 ans plus tard, sa nouvelle tentative n'eut pas plus de succès. Il décida alors de se lancer dans une grande tournée en province pour convaincre l'opinion de l'importance de la réforme dont il s'était fait le promoteur infatigable. À une époque où l'action politique était encore un sport de combat, Naquet fut parfois en butte à une foule hostile. Ce fut le cas à Millau, où, malgré la protection de 2 brigades de gendarmerie, Alfred Naquet dut vider les lieux sous les huées. La presse conservatrice le traîna à son tour dans la boue. Par exemple, dans le Figaro du 29 mai 1879, il est décrit comme « un petit être humain gravement voûté, légèrement tordu, à tournure un peu diabolique ». Étant donné que la question du divorce touchait à la sphère de la sexualité, du couple et de la moralité, les caricaturistes qui sévissaient dans la presse de l'époque s'en donnèrent à cœur joie. Le physique disgracieux d'Alfred Naquet fit l'objet de dessins ironiques sur le bourreau des cœurs. D'autres le présentèrent comme un saint portant une auréole sur laquelle était écrit « À Alfred Naquet, les cocus reconnaissants ». Le député radical dut aussi affronter les violentes critiques des élus catholiques. Lors d'un débat parlementaire sur le sujet, Mgr Frépel, l'évêque d'Angers, le mit en cause en disant qu'il était le porte-parole du mouvement sémitique, au service de quelques femmes écervelées et de quelques romanciers. Ces insultes à caractère antisémite visaient à discréditer les partisans du divorce, accusés de mettre en danger la France, car, pour les conservateurs, s'attaquer au mariage chrétien, c'était s'en prendre à la natalité et donc aux forces vives de notre pays. Alfred Naquet fut pourtant récompensé de son opiniâtreté, puisque la loi sur le divorce fut finalement adoptée le 27 juillet 1884. Pour obtenir cette majorité, il dut néanmoins accepter des compromis qui limitèrent les avancées proposées au départ. La loi Naquet était moins libérale que le Code civil de 1804, puisqu'elle renonçait au divorce par consentement mutuel. bien qu'elle ait supprimé toute discrimination entre l'homme et la femme quant aux circonstances de l'adultère, l'inégalité de traitement entre les sexes était maintenue, car l'épouse infidèle encourait une peine d'emprisonnement alors que le mari volage risquait une simple amende. Ces discriminations ont été progressivement supprimées grâce aux nouvelles lois sur le divorce adoptées au XXe siècle. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission à écouter, à podcaster ainsi que toutes les précédentes sur le site internet franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Et nous poursuivons notre histoire des sensibilités avec demain l'impossible retour. Oui, c'est la nostalgie à l'épreuve du temps.